Antena 1. Cinco horas no continente e na Madeira, 4 horas nos Açores. We'll be right back. Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques qui se chantent, qui se dansent, qui font voyager. Bonne fin d'après-midi, on croirait déjà qu'on est dans la nuit depuis des heures, mais il n'est que 18h, passé de quelques petites minutes et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est Violette en votre compagnie, c'est le retour des programmes en direct le temps d'une heure sur le 96.2 et après cette petite danse, cette chapeloise proposée par le duo Bonin-Campino. Je vous propose de poursuivre avec un casabar. Partons du côté de la Bretagne avec la formation Amylise. traditionnelle sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel tous les mercredis de 18h à 19h avec aux alentours de 19h juste avant de se quitter quelques idées de sortie. Et dans les idées de sortie, eh bien, on parlera peut-être du groupe Eriwen. On va rester du côté de la Bretagne avec une formation qui sera présente à Maîtresse, c'est à côté de Tours au mois de décembre. Je vous propose de les retrouver avec le ton double d'une danse pline. Voici Eriwen et le titre Arbutun. La formation Eriwen a retrouvé donc du côté de Tours au mois de décembre. On aura le temps d'en reparler si le cœur vous en dit d'aller les découvrir. Autre formation qui va nous faire danser, puisque pour ce début d'émission, c'est plutôt la danse qui est privilégiée. Voici Groove Factory et le titre Dinomi Rosebud, un extrait de leur tout dernier album. Thank you. Voilà, c'était la formation Groove Factory et comme vous l'aurez entendu, rien de bien traditionnel, même si ça fait appel à la danse et aux musiciens traditionnels. Eh bien, c'est quand même bien actuel avec les machines qu'on entend bien aussi dans ce morceau, comme on l'entendait dans le morceau précédemment. On va maintenant quelques années en arrière avec un groupe du Sud, Spi et la Gaudriole, qui nous interprète une mazurka. Alors, cette mazurka, on la retrouve très très souvent dans les bals, mais en instrumental. Et il y a quelques années, Spi et la Gaudriole en avaient fait un titre chanté. Voici Mazurka sans parole. Sans parole, mais pourquoi ma parole? Comme je suis toujours bénévole, alors donc c'est moi qui m'y colle. J'ai déjà ma petite idée, je sais de quoi je vais vous parler. Même si je chante un peu faux, je saurai bien trouver les mots pour vous dire comment je m'envole quand je danse dans les bras de Carole. Il est vrai, ça doit être drôle, j'ai tant de mal à toucher le sol. C'est vous dire comment je m'envole. Mauvais danseur, y en a pas deux, comme moi qui suis pourtant sérieux. Des cours de danse j'en ai pris, mais la grâce je n'en ai pas pris. Pour tout dire, j'ai souvent prié pour ne pas marcher comme un niais sur les pieds de mes cavalières qui me regardent souvent de travers. C'est vous dire comment je m'envole quand je danse dans les bras de Carole. Il est vrai, ça doit être drôle, j'ai tant de mal à toucher le sol. C'est vous dire comment je m'envole. Mazurka sans parole, mais pourquoi ma parole? Comme je suis toujours bénévole, alors donc c'est moi qui m'y colle. J'ai déjà ma petite idée, je sais de quoi je vais vous parler. Même si je chante un peu faux, je saurai bien trouver les mots. Cette mazurka, je la dédie à mes rencontres du samedi. Dans les yeux, on enlace le temps où me danse. Pour m'avoir tenté tant de fois, aidé à faire mes premiers pas. Pour m'avoir fait tourner la tête, le temps d'une mazurka sèche. Voilà une mazurka pleine d'humour que vous aurez peut-être reconnu si vous fréquentez un petit peu les bals folk. Après cette mazurka, voici la douceur d'une valse. La formation Sarai et le titre Espargnada Valse. fara dans mes côtés, fara passe des mains. Mais que li fa il corps? Côté fara dans mes côtés, fara passe des mains. Mais que li fa il corps? Ses amis des gens, ses amis des cons, ses amis d'espère. Je savais en guerre espace. Donc, au par espace, pas super lave blanca flou. Et tout brave vargier. Donc, au par espace, pas super lave blanca flou. Non si l'occupe de mourir ma si subeni de flou. De mourir a passa vite d'amo de flou. La flou de l'aube blanc, entre calme et folie. Time comme la flou de l'aube blanc, entre calme et folie. Espérer en mai que te veille de vivre, d'une matin se t'avouer. Comme la flou de mes de mai. Avoir la douceur d'une valse avec le rythme, et c'était le cas avec cette valse proposée par la formation Sarai. Petit retour quelques années, voire quelques décennies en arrière avec les quatre gens. Et si vous faites partie des gens à une certaine époque, on chantait, on dansait dans la cour de récréation, vous connaissiez peut-être cette chanson qui parle de tout un tas de choses impossibles, invraisemblables, qui sont des mensonges. Voici que de mensonges. Et c'est un Loudéac, je crois, que nous proposent les quatre gens. Je vais vous dire une chanson qui n'est que de mensonges. Je vais vous dire une chanson qui n'est que de mensonges. S'il y a un mot de vérité, le loup sera mon oncle là. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive. S'il y a un mot de vérité, le loup sera mon oncle. S'il y a un mot de vérité, le loup sera mon oncle. Je m'en allais au chagué, la grand-mère d'Angleterre là. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois. La grand-mère d'Angleterre. Je m'en allais pour s'arriver, la grand-mère d'Angleterre. J'ai pris ma chambre sous mon bras, mes bottes dans ma pochette là. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive. J'ai pris ma chambre sous mon bras, mes bottes dans ma pochette. Je suis passé par un chemin qui était rempli de mel là. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois, du bois dans la rive. foutu mon haillon dedans, ils t'ont piqué tes groseilles là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. J'ai foutu mon haillon dedans, ils t'ont piqué tes groseilles. J'ai foutu mon haillon dedans, ils t'ont piqué tes groseilles. La bonne femme a dit que c'était grand, du qu'elle est mauvaise là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Qui vient me mordre là, du bois dans la rive, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Et là je fais son chien sur moi, son chat qui vient me mordre. Et là je viens son chien sur moi, son chat qui vient me mordre. Il mordit ton talon, j'y saigne ta l'oreille là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Il mordit ton talon, j'y saigne ta l'oreille. Trouver de quoi vivre là, du bois dans la rive, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. En rentrant à la maison, j'ai trouvé de quoi vivre. En rentrant à la maison, j'ai trouvé de quoi vivre. J'ai vu mes poules sincères, mes canards à pétrir là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Du bois dans la rive, du bois dans la rive là. Du bois dans la rive, du bois dans la rive. Du bois dans la rive là, du bois dans la rive, du bois dans la rive. Voilà, je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. On reste sur ce thème avec une version qui nous vient d'outre-Atlantique, du Québec, avec La Bottine Souriante. Je vous avais parlé il y a quelques semaines d'une conférence, les chansons du cousinage. Effectivement, il y a tout un tas de chansons qu'on retrouve des deux côtés de l'océan Atlantique avec des versions un peu différentes. Ici, on sent bien qu'on est au Québec. Voici la chanson des Menteries. Va vous chanter une chanson, puis elle n'est pas ni courte ni longue. S'il y a un mot de vérité, t'en veux que ma vie y passe. Ti aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime t'aime. Je suis allé pour labourer tout ce qu'il y avait pour terre. Ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime l'arabe. Je suis allé pour labourer tout ce qu'il y avait pas de terre. J'ai labouré six sillons dedans les six semaines. Ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime l'arabe. J'ai labouré six sillons mais dedans les six semaines. J'en ai semé de l'avoine, ça venait comme une tempête. Ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime l'arabe. J'en ai semé de l'avoine, ça venait comme une tempête. J'ai trouvé un vieux joie mort qui m'en fait mon avoine. Ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime t'aime l'arabe, ti aime t'aime t'aime l'arabe. Je trouvé un vieux voile mort, puis qui mangeait mon avoine. J'ai coupé les quatre patouilles comme une poudre. Tiens, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite. J'ai coupé les quatre patouilles comme une poudre. Dans mon chemin, j'ai rencontré un arbre de prunelle. Tiens, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine. Dans mon chemin, j'ai rencontré, puis c'est un arbre de prunelle. J'ai pris une perche, j'ai grondé, ça venait comme de la Seine. Tiens, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine. J'ai coupé les quatre patouilles, j'ai pris une perche, j'ai grondé, puis ça tombait comme de la Seine. M'en est tombé un dessus de pied, m'a fait saigner l'oreille. J'ai dit, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine, t'es une petite la rapine. M'en est tombé un sous le pied, puis m'a fait saigner l'oreille. Partez sous la plante du pied, si voyons la cervelle. Si j'aime t'es une tête la rapine, j'aime t'es une tête la rapine, j'aime t'es une tête la rapine, j'aime t'es une la rapine, j'aime t'es une tête la rapine, j'aime t'es une tête la rapine. On va laisser un petit peu la danse pendant quelques instants pour aller tout doucement vers la fin de cette émission. Avant de se retrouver pour quelques idées de sortie, je vous propose de rester sur le continent américain, mais cette fois-ci dans le sud de ce continent et plus particulièrement du côté du Brésil, avec une guitariste qui est bien française, que j'avais eu le plaisir de recevoir dans ces mêmes studios il y a déjà pas mal d'années, à l'époque où elle sortait l'album Nordestine. Elle a repris ce titre Nordestine sur son dernier album qui s'appelle Cordes sensibles. Alors je vous propose d'entendre la version 2025 qui sort tout juste en ce mois de novembre de Fabienne Magnan et du titre Nordestine.

Estrellas, no sol por un soplo levanto que de castañoles a tus rusos vivos, nos de la ruta soñada que esta noche aina hay foliada na eira. No te reiro dana, volta a copla sin memoriais, oh ritmo dos pasos a renovation, penido mais, volta o punto pisano chan, a que nos rematera dai a luz ao día, mozada nova era. Potri quando andam de vidi grei, tu li traro la e tala rondua, retans piu e da git. Potri quando andam de vidi da vezi vin kitavet var hamnat an nit kero hoas e gambi yendi grei tu li tralona ben nozi kala kersite va mour ar tazandi kero hoas e gambi yen man e hebe dan di folai la hi pan an doar neve ravo ker boudaze mama osan fayan dozi grei tu li tralona mama osan fayan dozi grei tu li tralona mama osan fayan dos pozito tan var hivans mama osan fayan dos pozito tan var hivans mama osan jim da jendi grei tu li tralona mama osan jim da jendi grei tu li tralona mama osan jim da jendi pozito tan var hivans mama osan jim da jendi pozito tan var hivans dodi nik shoyu sage dik dei tu li tralona dodi nik shoyu sage dik dei tu li tralona dodi nik shoyu sage bebe bushe garante dodi nik shoyu sage bebe bushe garante bebe busha bebe dodi dei tu li tralona bebe busha bebe dodi dei tu li tralona bebe busha bebe dodi dei tu li tralona bebe busha bebe dodi dei tu li tralona bebe busha bebe dodi dei tu li tralona bebe busha bebe dodi dei tu li Voilà, c'était la formation Iben. Et pour retrouver quelques idées de sortie, je vous propose de les accompagner de la formation Zlabia. Samedi 22 novembre, j'ai de quoi vous proposer quelques idées de sorties. Beaucoup de stages, notamment dans le Loir-et-Cher. pour danser, on peut aller à la Guinche du Val. C'est à Viglin. Ce sera le 22 novembre, donc ce samedi. Ouverture des portes à 19h, parce que ça s'arrête assez tôt. Ça s'arrête à 22h30, 23h, avec la formation La Ciguë. Il y a un food truck et il y a une initiation aux danses en début de soirée. Bal folk également à Chalette-sur-Loing, toujours dans le Loiret, avec la Godille, et c'est à partir de 21h. Stage de chant avec Catherine Faure, c'est ce dimanche 23 novembre. Il faut s'inscrire auprès de l'association Tradamuse. Vous savez que j'aime beaucoup la musique québécoise. Eh bien, la semaine prochaine, je vous pardonne si vous faites une infidélité et que vous allez du côté de Châteauroux écouter la formation Genticorum. Ils sont actuellement en tournée en France pour quelques dates et on les retrouvera ensuite le 29 novembre tout près de Chartres à Mainvilliers. Magnétique le 29 novembre également à Blois de 20h30 à 1h du matin avec le Manche-Bal, New Trad DJs et Poulidor. Et un bal folk avec Rémi Geffroy qui a beaucoup beaucoup de gens qui le suivent. C'est à Paracy, c'est dans le Cher et on retrouvera Rémi Geffroy dans le Loiret. Ce sera au début du mois de février, ce sera au bal à Gaston. Et on termine avec un bal folk dans le Loir-et-Cher à Vineuil le 30 novembre avec Arcadio et l'Inde râpée. C'était traditionnel sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, pour moi, c'était le cas. C'était Violette en votre compagnie. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 18-19, toujours le mercredi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente soirée. Attention au froid, à la neige qui nous est annoncée. Soyez très, très prudents. Et voilà. portez-vous bien, faites attention aux rhumes, à toutes ces petites choses hivernales qui nous attendent pour les semaines à venir. Et dans quelques minutes, dans quelques tout petits instants, on retrouve les programmes de RDP International. Très excellente soirée, à très bientôt. Segunda à sexta, das 7 às 10, com José Carlos Trinidad.